18-28, activation orale, possessif. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez ? 1. Ce bateau est à vous ? Que vous dites ? Oui, c'est notre bateau. 2. Ce bateau est à Marie-Laure ? Oui, c'est son bateau. 3. Ce banc est à Robert et Mireille ? Oui, c'est leur banc. 4. Ce livre est à Robert ? Oui, c'est son livre. 5. Ce briquet est à toi ? Oui, c'est mon briquet. 6. Ces cigarettes sont à toi ? Oui, ce sont mes cigarettes. 7. Ces cigarettes sont à Jean-Pierre ? Oui, ce sont ces cigarettes. 8. Ces bateaux sont aux enfants ? Oui, ce sont leurs bateaux.